I don't feel pain. I feel all this knowledge. Desire. It's like all things that make us human are fading away. Wow. You just got the green light. If you think about the very nature of life, there is purpose. Purpose. Et puis ces anti-lévinatis, même l'on est gagné l'introduction avec la musique. Américains avant les temps, mais combat théorie. Et mon fic découvre mon talent et mon mélodie. Après d'un noir, c'est l'endroit pour voir la lumière. La réponse, il a tout décidé pour maginer. Tout pas ça qu'ils ont les maginaires. Expectative à cause mon vin et la lumière. Mon Henri t'a à cause mon connaît la porte comme on est en bas. On est tous les acquis pour mon équipement. Mon roi y met trouvé des tripitos, mon chien animaux. T'as beaucoup la city, c'est la moitié limon. Elle attache en distraction, tentation derrière zéro monde. Paris dit derrière mon qui m'a cadam dans sa fesse. Définitivement, mon pas les autres fait l'enquête. À cause de pas quoi dans l'amour, je crois le fou. L'amour, pas négligé à cause ça même qui nous baisse. Benzen Goli à cause nous même nous qui démêlent. L'amour qui nous besoin. L'amour qui nous besoin. Encore et encore nous besoin. L'amour nous enfants. Nous enfants. Dans beaucoup l'amour la pépère. D'un fait noir quand même mon clair. Ça t'aille connaît qui m'aille pas peur. Où c'est free Lucifer. Et nous les morning vin l'enfer. Beaucoup nous pas si posé faire. Nous bonnes pessées. Nous pouvoir et ça l'amour dans nous les guerres. Et si vous pas comprendre mon son. Regarde mon vidéo. Visez le moment quand vous dites mon visage. Mon différent avec sa bande qui suivent la loi ça les monde. Mon propre son téléphone. L'amour s'il vous plaît répond. Sa sentiment ou senti dans lesquels elle batte. Sa bonne idée, mais tenter. L'amour qui nous besoin. L'amour qui nous besoin. Because of somebody else or something else. Love me, love me, love me.